d'Ouïman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des familles entières ayant perdu environ 600 maisons sur la colline Gasse-Nyakawondo de la commune Mutimbuzi en province Bujumbura à cause de la pluie se sont vues refuser le droit de les réhabiliter. Raison invoquée, leurs parcelles sont dans le domaine de la présidence. Ils réclament des indemnisations irrelatives. Reportage à suivre. Et l'ONG locale Parsem appelle le gouvernement à plus de prudence dans la gestion de la société pétrolière, notamment en ce qui concerne la supervision, la gestion et la régulation quotidienne. Vous entendrez les explications de Faustin Ndikoumane. Et le président de la Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi estime que le licenciement d'une centaine d'employés par la direction de l'usine à boissons Imena du chef-lieu de la province Kayanza est une violation flagrante du code du travail. Enfin, les vendeurs de graines de maïs à l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire devront désormais déclarer au chef collinaire les superficies cultivées, les récoltes attendues ou réellement obtenues. Ainsi en a décidé le ministre de l'Intérieur. La mesure vise à couper court avec la spéculation faite par certains commerçants qui les achètent en Tanzanie à moins cher pour les revendre à la Nagesa. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Environ 600 maisons situées sur la colline Gasse-Nyakawondo de la commune Mutimbuzi en province de Bujumbura ont été détruites par la pluie. Les familles sinistrées dorment aujourd'hui à la Belle Étoile et vivent sous la peur de la famine, alors qu'il leur a été interdit de les réhabiliter parce que leurs parcelles font partie du domaine de la présidence. Ils réclament des indemnisations pour expropriation. Ils affirment n'avoir rien reçu jusqu'ici depuis le recensement de leurs parcelles. Un reportage de Jean-Marie Mayonga. Ce sont certains des habitants de la colline Gasse-Nyakabondo, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, dans les 160 hectares, qui disent qu'ils n'ont pas de maison pour loger. Ils signalent que leurs maisons sont en train d'être détruites par la pluie et ne peuvent pas les réhabiliter. Ils ont été recensés, disant qu'ils seront indemnisés, mais en vain. Nos maisons sont détruites par la pluie. Nous n'avons plus de place pour dormir. On nous avait promis de nous indemniser, mais en vain. J'ai réhabilité ma maison la première fois et ça a été détruite la seconde fois. Nous vivons dans des conditions difficiles car nous ne faisons rien. Nous n'avons pas des activités génératrices de revenus. Ils demandent d'être régularisés pour vivre comme d'autres citoyens burundais. Amos Ndacha Isaba, chef de colline, affirme bien que plusieurs maisons sont détruites et attendent la réponse du chef de l'État pour être indemnisés. Certains habitants, leurs maisons sont détruites et d'autres présentent des fissures et peuvent tomber en tout moment. Nos citoyens sont fâchés, disant que nous ne faisons rien pour les aider. Emmanuel Niungabo, qui représente les familles de 160 hectares, dit être étonné vu le temps qu'ils ont passé en attendant l'indemnisation. Il demande au chef de l'État de trouver solution à leurs problèmes. Nous vivons une situation qui est vraiment très, très déplorable. Normalement, quand le gouvernement a voulu prendre cette place, nous n'avons pas refusé. Le code foncier nous demandait à l'article 424 à ce que celui qui est exproprié ait les frais d'expropriation ou la valeur de l'expropriation conforme aux pertes qu'il a subies et aussi que les frais d'expropriation soient le résultat de l'entente entre celui qui donne l'expropriation et celui qui reçoit l'expropriation. Mais malheureusement, cela n'a pas été. Et je voudrais demander à son excellence, monsieur le président de la République, de penser à notre cas pour que nous soyons traités comme des Burundais, parce que nous n'avons rien fait contre notre pays. La colline Gasse-Nyakabondo, où ces gens sont exigés de quitter, enregistre plus de 2900 familles. Merci Jean-Marie Mayonga. Une société pétrolière du Burundi vient d'être mise en place par un décret présidentiel du 20 février 2024. Un conseil d'administration composé de 7 membres et dirigé par Innocent Girukwishaka a également été nommé par décret le 14 mars dernier. La mise en place de la SOPEBU a été décidée en conseil des ministres du 3 janvier dernier qui explique les pénuries répétitives du carburant par la spéculation des importateurs des produits pétroliers sur les devises pourtant octroyées par la Banque centrale, la BRB. À ce sujet, le directeur national de l'organisation PAREM, Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM, trouve que le gouvernement devrait user de plus de prudence dans la gestion de la nouvelle société, notamment en la confiant à des personnalités réputées pour leur expertise en vue de réussir cette mission qui revient classiquement au secteur privé. Faustin Dikoumana estime que le risque sera de ne pas aboutir au résultat recherché par le fait de la combinaison des missions qui devraient être séparées, à savoir la supervision, la gestion et la régulation quotidienne. On l'écoute. Sur l'analyse de ces missions, on voit déjà qu'il y a une confusion entre les missions de supervision, les missions de régulation et les missions de gestion quotidienne. Quand il y a une telle confusion dans l'organisation de la gestion d'un secteur, maintes fois, il n'y a pas de contrôle ou de gestionnaire quotidien, il y a un risque de ne pas aboutir aux résultats concrets et à partir d'une gestion efficace et efficiente. Quand c'est une société publique, c'est son monopole. Maintenant, on expose aussi la gestion, l'importation des produits pétroliers à un monopole d'une société publique nouvelle, avec des missions vraiment élargies qui ne différencie pas la régulation, mission classique du gouvernement, et la gestion du secteur d'importation, qui est une mission classique du secteur privé. Et est-ce que cette nouvelle société, il faut analyser l'expertise de la société, elle est nouvelle, est-ce qu'elle a vraiment des ressources humaines compétentes, bien outillées pour s'acquitter de cette mission, d'abord au niveau même des cadres de direction, au niveau des cadres d'appui, au niveau même des agents. Parce qu'une telle société exige vraiment de l'expertise, la maîtrise du secteur. Mais il y a risque que cette nouvelle société soit interprétée comme une occasion de pouvoir de nouvelles nominations de postes politiques, ce qui va vraiment altérer la capacité de l'entreprise. Mais la meilleure solution idéale, c'est de créer cette société, mais qui se limiter sur des missions de supervision de régulation et pour intéresser les privés à s'intéresser dans le secteur. Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités, PARSEM. Le Bureau burundais de normalisation ordonne aux unités de transformation de vin de banane de se conformer aux normes. Lors d'une rencontre avec les représentants de ces unités ce mardi, Séverin Sindaikengera, directeur général du BBN, a indiqué que le taux d'alcool exigé à ce vin varie de 6 à 16%. Ce bureau accorde un délai d'un mois pour que les activités de ce genre d'unité se mettent en ordre sous peine de suspension. Certains représentants de ces unités réclament la prolongation de ce délai. Omer Douayou. S'ils ne se conforment pas, on va fermer leur entreprise. Et la date limite que nous avons donnée, ça sera le 19 avril 2024. Un délai d'un mois prenant cours à partir de ce 19 mars est accordé par le Bureau burundais de normalisation aux unités de transformation de vin de banane pour se conformer aux normes. Un délai jugé court par les représentants de ces unités qui demandent sa prolongation. Il s'explique en accusant le BBN d'avoir un personnel insuffisant pour la certification de leurs produits. Rémi Bikogwa a représenté la société Imena Somosubire. Au BBN, nous avons remarqué qu'il y a un manque d'employés. Raison pour laquelle vous pouvez demander un certificat et attendre 2 mois, 3 mois. Et certains choisissent de mettre les produits sur le marché sans toutefois avoir le certificat ou bien la licence. Quand un producteur met un produit sur le marché qui n'est pas certifié, qui n'est pas analysé par le BBN, vous comprendrez qu'un tel produit peut nuire à la santé du consommateur. Le Bureau burundais de normalisation reconnaît qu'il a un personnel insuffisant. Défendant son institution, Séverin Sindaikengera trouve que cela ne peut pas être un prétexte pour ne pas se mettre en ordre avec la loi. Parmi les défis que nous avons l'insuffisance du personnel. Et nous avons introduit un dossier de recrutement du nouveau personnel et nous avons de l'espoir. Demain ou après-demain, vous allez entendre qu'on nous autorise à recruter ce nouveau personnel. Mais ce qu'il faut dire, le temps record, quand vous cherchez la certification chez nous, on donne le certificat dans 2 mois, malgré cette carence du personnel. Après ce délai, insiste ce directeur général de BBN, l'échantillonnage se fera sur les boissons produites dès ce 19 mars. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire dénonce la spéculation faite par certains commerçants burundais qui achètent des graines de maïs en Tanzanie à bas prix pour les revendre à l'Agence nationale de stock et de sécurité alimentaire au prix fixé par l'État. Morten Itelet exige désormais que les vendeurs de ces graines de maïs se fassent inscrire au chef collinaire en déclarant la superficie cultivable et la production attendue ou celle récoltée. Le ministre de l'Intérieur a fait ses déclarations ce dimanche à Kayanza dans une réunion avec les natifs de la commune Kayanza. On l'écoute. Au Burundi, ils sont beaucoup intelligents. Ils ont appris qu'en Tanzanie, les grains de maïs se vendaient à bas prix. Ils ont fait des stocks. Il y a ceux qui ont fait des stocks hier même. Nous avons planifié autrement. Si et seulement si les administratifs ne nous déçoivent pas, nous avons dit que désormais, quiconque a cultivé du maïs doit se faire inscrire au chef collinaire et faire inscrire aussi la quantité de la production attendue ou celle récoltée qui est séché pour chasser les spéculateurs dans le système. J'ai appris qu'il y a ceux qui ont vendu 15 tonnes. J'ai essayé d'analyser les données, mais je n'ai pas bien vu où en est venue toute cette production. On m'a dit également qu'il y a ceux qui vendront 20 tonnes, 15 tonnes. Et la question qui se pose est celle-ci. Connaissez-vous la propriété foncière dans laquelle il a récolté tout ça? Est-ce que vous me saisissez bien? Si cette surface cultivable n'est pas là, c'est un escroc. Apprenez que même d'autres mesures seront prises. Le ministre de l'Intérieur, Martin Iteretse, le président de la République du Burundi estime qu'aucune commune en province ne peut se développer au moment où il retient sa production. Évariste Ndayishimiye l'a déclaré dans une réunion qu'il a tenue à l'endroit des cadres du ministère du Commerce jeudi de la semaine dernière. Il a expliqué que la commune, tout comme la province, se développe à partir des recettes provenant de la vente des productions effectuées dans d'autres circonscriptions. Écoutez le numéro 1 burundais, traduit par Jean de Dieu Irakoze. La richesse provient de la production. Nous devons tous le comprendre. Dans tous les pays, quelqu'un qui n'a pas à vendre ne peut pas dire qu'il a de la richesse. La situation est pareille dans une commune donnée. Si sa production reste consommée à l'interne, vous ne pouvez pas dire qu'elle est développée. Elle le deviendra une fois qu'elle générera des recettes externes. De même, la province deviendra développée une fois qu'elle aura des recettes externes qui proviennent de sa production, non pas des appuis budgétaires. De la même manière, le pays ne dira pas qu'il est développé si sa production reste consommée à l'intérieur. De cette façon, c'est comme si on déplaçait de l'argent d'une poche à une autre. Au Burundi, nous avons constaté que notre richesse n'est pas exportée jusqu'à ce que l'on mentionne qu'il s'agit d'un bénéfice lorsqu'un fonctionnaire paie l'impôt sur salaire alors que tous ses frais sortent et rentrent dans les mêmes caisses de l'État. Vous comprenez bien comment l'on se trompe. Ainsi, les frais déjà disponibles dans les caisses de l'État deviennent des recettes. Vouloir licencier 117 employés de l'usine à boissons Imena, assise au chef-lieu de la province Kayanza, sans indemnisation de licenciement ou de départ, c'est une violation flagrante du Code du travail. Ceci est dit par le président de la Confédération des syndicats des travailleurs du Burundi, Kosibu. Célestin Savimana trouve que l'employeur de l'usine Imena est en train d'offrir une mauvaise interprétation du Code du travail en procédant au remplacement des travailleurs. Et il demande à la direction de cette entreprise de rétablir ces travailleurs dans leurs droits. Suivez Célestin Savimana au micro d'Evariste Nzikolanyanga. J'ai entendu que cet employeur a licencié effectivement 117 personnes. Et plus grave, j'aurais entendu qu'il les aurait remplacés. Alors, quel licenciement a-t-il fait? Est-ce que c'est un chômage technique pour une diminution de l'activité économique? En tout cas, il n'a pas fermé l'entreprise, puisque l'entreprise continue à travailler. Alors, Maintenant, qui devrait faire cet employeur, c'est d'appliquer les prescrits du code du travail à la matière. Lorsque tu chasses des gens pour des raisons économiques, le code prévoit ceux qui vont revenir prennent des indemnités de chômage. Les indemnités de chômage sont bien déterminées, notamment ils sont dans les éléments du salaire. Lorsqu'on est en chômage technique, on a droit aux indemnités de logement, on a droit aux indemnités familiales, on a droit aux soins médicaux. Si c'est un licenciement définitif, le travailleur a droit aux indemnités de licenciement et de préavis, suivant les années déjà prestées. C'est même dans le contrat du travail. Même si ce n'était pas prévu dans le contrat du travail, ce sont des erreurs qui ont été faites. Le code du travail prévoit de licenciement et de préavis. Alors, j'entends même qu'il a remplacé ces travailleurs. Ça, c'est illégal. Il ne doit pas les remplacer dans le même travail en chassant les anciens sans que ces anciens soient acquisés d'une quelconque faute professionnelle. Ces employés, ces travailleurs, lorsqu'ils étaient en chômage technique, ils ont perçu des indemnités de chômage. Et le directeur général de Imena indique que c'est fini. Ils ont dit au revoir à ces travailleurs, que quelqu'un qui est toujours lésé et qui n'a qu'à saisir la justice. Ça devrait se passer ainsi. Non, je vous ai dit, les indemnités de chômage, généralement, ils sont dans les éléments du salaire. Donc, quelqu'un ne va pas le mettre en chômage technique, on lui dit, voilà ton pécule comme indemnité de chômage technique. Je pense que c'est une méconnaissance totale de la loi de la part de ce monsieur, le directeur général de cette société. Et pour boucler ce journal, le président du comité d'organisation du Sanganiro Award appelle les mélomanes de la musique burundaise à voter massivement pour leur chanteur préféré parmi ceux qui restent en lice afin de leur donner des chances de jouir des avantages que confère cette compétition. À quelques jours de la finale qui interviendra samedi 23 mars, Eric Ndouayo appelle les Burundais à investir dans l'industrie musicale et ainsi contribuer au développement du pays. Suivez-le. Il y a quelques mois, on a lancé officiellement la compétition Isanganiro Award. Après, on a montré au public les 20 chansons qui sont dans la compétition. Après cette phase, il y a eu l'autre phase qui est de montrer, donner au public les 10 chansons finalistes de cette compétition. Aujourd'hui, nous avons donné l'occasion au public de voter des chansons en compétition en passant par le message SMS en composant étoile 190 dièse. Et après, vous savez, il y a eu toute une liste de 10 chansons en compétition et vous choisissez le chiffre qui correspond à votre chanson préférée. Et c'est pour cette occasion que nous aimerions demander au public de voter massivement dans cette phase pour que l'artiste préféré puisse vraiment remporter cette victoire, parce que après la compétition, le gagnant trouve beaucoup d'opportunités pour pouvoir propulser sa musique, que ce soit au niveau national ou international. Si vous regardez bien tous ceux qui, les anciens lauréats de cette compétition, après juste la compétition, ils ont beaucoup gagné. Imaginez-vous, vous venez de remporter cette compétition et vous avez une promotion durant toute l'année sur la radio Isanganiro. Vous avez cette même promotion durant toute l'année sur la télévision Isanganiro. Vous avez cet avantage aussi sur les réseaux sociaux. Je peux aussi profiter de cette occasion d'appeler les investisseurs burundais et étrangers surtout à mobiliser le fonds pour soutenir la compétition Isanganiro Award. Hisser le drapeau burundais, il faudra qu'ils viennent soutenir cette compétition pour l'intérêt général de la nation. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.